Bonjour tout le monde, c'est Michel Monnette au micro pour l'émission Les Oreilles Ailleurs. Vous êtes sur les ondes de CKRL 89.1 ici à Québec. Je salue les gens qui pourraient nous écouter d'ailleurs dans le monde. Et parlant d'ailleurs, cette semaine, tous les artistes que je vous présente ont un dénominateur en commun. Ce n'est pas la langue. Oui, c'est la langue, mais ce n'est pas seulement la langue. C'est la maison de disques Bécaré. Installée à Barcelone, ça c'est en Catalogne. Depuis bientôt 25 ans, Bécaré a grandi sur les principes du do-it-yourself, DIY, hérité du punk, du hard rock, du hardcore, pardon. Ils ont débuté presque par hasard cette maison pour rendre disque à un groupe du coin. Puis finalement, celui qui a débuté la maison de disque s'est pris au jeu et c'est devenu un des labels les plus influents du vieux continent. Bécaré maîtrise toutes les étapes du processus de production, de la promotion, du management et de la distribution. Ils n'ont pas tellement le choix d'ailleurs s'ils veulent survivre. C'est Jordi Alansama qui est le créateur de Bécaré. Il disait dans une entrevue qu'il donnait en mai dernier, en mai 2014, il y a toutes sortes de scènes et de sonorités en Espagne. Ceux qui se sont fait connaître à l'international, bien sûr, sont le flamenco et le mestizaje. C'est le mixage, la musique mixée, qui ont dû vous arriver à peu près au même moment. Mais ici, il y a toujours eu de bons groupes de rock, de punk et de pop. Et parlant de musique pop, on va écouter Aries, premier groupe indiqué par Bécaré. Non, pas le premier groupe qu'ils ont indiqué, mais le premier groupe qu'on va écouter aujourd'hui. En fait, c'est un duo indiqué par Bécaré. Arias dans Magia Bruta. Si de verdad lo has encontrado, si de verdad lo has encontrado, en cada átomo y cada mano, si de verdad lo has encontrado, y quién c'était Arias. Arias, c'est essentiellement Isabelle Fernandez Reviriego. Elle était dans le groupe Charades. C'est un groupe qui a cessé d'exister en 2010. On va tout de même les entendre plus tard dans l'émission. Elle n'est pas seule, elle est avec sa sœur Virginia qui l'accompagne dans cette aventure. Ils sont deux pour faire tous les instruments, non seulement les voix, mais tous les instruments qu'on entend sur l'album La Magia Bruta. Ils sont du Pays Basque. En mai 2012, et je vais m'attarder un peu sur Arias, en particulier sur Isabel Fernandez Reviriego, parce que ça va vous donner un peu une idée de l'atmosphère que j'ai voulu donner à cette émission cette semaine. En mai 2012, dans une entrevue, elle disait « Aimer le monde de la magie, les sciences occultes, l'ésotérisme et surtout l'iconographie sur cet aspect moins rationnel des choses ». Elle est aussi artiste, Isabel Fernandez Reviriego. Elle a ajouté une phrase avec laquelle vous serez sans doute d'accord. Je crois que notre société vit un excès de rationalité. Isabel a aussi dit dans cette entrevue que l'industrie de la musique demande des chanteuses d'être belles et sexy, alors qu'autrefois c'était davantage une question de talent. Hélas. Interrogée à propos de Beccari, elle a dit qu'elle aimait beaucoup Jordi, le décrivant comme quelqu'un d'antisocial que vous ne verrez jamais dans un party de l'industrie de disques ou même s'acoquiner avec ce genre de personne. On va poursuivre avec The New Raymond. C'est un groupe indie pop de Barcelone. Ils sont actifs depuis 2008, The New Raymond. C'est Ramon Rodriguez qui a créé ce groupe. Il est chanteur, auteur, compositeur. Il a d'abord fait des choses en anglais, mais il a décidé d'aller vers l'espagnol et aller de plus en plus, de laisser le côté un peu agressif. Il y a plusieurs des artistes que je vous présente aujourd'hui d'ailleurs qui ont commencé, qui sont passés par la musique punk, puis qui ont décidé finalement d'aller vers quelque chose de moins agressif, disons, quoique la musique punk n'est pas nécessairement toujours agressive. Donc, de plus agressif, de plus électrique, d'aller quelque chose de plus lyrique et aussi, surtout, de laisser place à sa langue maternelle. On va l'écouter donc dans Fuera Complejos. Ça, c'est tiré de l'album Proposito de Garfunkel. C'est un album qui vient tout juste de sortir sur Beccari. Excellent album, en passant. Mais ensuite, on va écouter deux pièces de Maria Rodés. Maria Rodés, elle a passé quelques années à écrire, à s'inspirer. Elle a fait deux albums, mais je crois que c'est vraiment avec son troisième album, Sueño Triangular, qu'elle a vraiment décollé, Maria Rodés. C'est un peu une sorte de rêve, vous allez voir, avec des textures, on peut presque parler de palette musicale dans son cas. C'est absolument... c'est un beau voyage, en tout cas, à travers toutes ces couleurs, toutes ces textures musicales. On va l'écouter dans... TV et ensuite Kaolo que Fuego Fue, les deux tirés de Sueño Triangular. Mais d'abord, on écoute The New Raymond. Falta que te escondas, ya me largo yo de aquí. Todo cambia en un instante, la ilusión hecha un desastre. Tanto hablar para nada, tanto hablar. Tu engaño es evidente cuando quieras te arrepientes. estoy cansado de salir corriendo, media vida llevo fingiendo. Aunque me vistas de negro, seguiré siendo de pueblo. Aunque me pierdas de vista, aunque traigas tantas prisas, tanto amar para nada, tanto estar por estar, tanto daño que ni sientes. Ven y enséñame tus dientes. Si perseveras, brillarás como al inicio. Fuera complejos, fuera. soy. Tu gran rival. Abrazador. Juez. Sin corazón. Y vengo a decirte que esperaré. Maison de disques, B Carré aime beaucoup travailler avec les groupes locaux. Ils ont commencé dans le punk, mais ils se sont rapidement étendus à d'autres styles musicaux. Ils ont leur propriétaire dit qu'il, celui qui a fondé, pardon, B Carré dit, on peut dire le propriétaire, dit qu'il adore trouver des trésors. Il a fait avec quelques groupes punk, hard rock, mais aussi d'autres groupes comme le prochain qu'on va entendre, le prochain qui s'appelle Nicéi. Nicéi, c'est un groupe qui présente une musique dissonante, une musique en fait, attendez un petit peu, je vais retrouver mes notes, ça sera pas bien long. Une musique non seulement dissonante, mais une musique bon, c'est pas tellement grave, je retrouve pas maintenant. Je suis un peu comme mon ami qui nous a précédé et qui se rappelait pas de mon nom de famille, ouais. À la fin de la précédente émission. Ce sont des choses qui nous arrivent comme ça dans la vie. Donc, on va écouter Nisei dans une chanson qui s'appelle Nuak Choc. Voilà une musique expérimentale. C'est le mot que je cherchais depuis tantôt. Je l'avais sur le bout de la langue et je ne m'en rappelais pas. Donc, vous allez remarquer, bon, il y a un côté dissonant, mais il y a un côté très expérimental dans la musique de Nisei. D'ailleurs, ils ont convaincu les spécialistes, les magazines de musique spécialisés en Espagne, mais aussi les auditeurs qui sont davantage, qui vont davantage dans des styles un peu plus particuliers, qu'ils sont les meilleurs groupes espagnols de leur genre. Et semble-t-il, je ne les ai pas vus. Je ne sais pas si quelqu'un nous écoute présentement, il les aurait vus en spectacle, mais semble-t-il qu'ils sont très intenses en spectacle. Donc, on les écoute tirés de l'album EP chez Alphonse. C'est un album qui date de 2010. On les écoute dans la chanson Nuak Choc Nisei. Nouakchott de Nicéi, on n'aura pas le temps de l'écouter au complet. C'est une pièce qui fait 7 minutes. Nicéi, donc, qui est en disque sur Bécoré, cette maison de disques dont je vous présente quelques-uns des artistes. C'est le fil conducteur aujourd'hui, cette maison de disques espagnole de Barcelone, en Catalogne. On va passer à la pause musicale et en début de deuxième partie, je vous présente une des trois chansons qui font partie d'un film, très court film d'une quinzaine de minutes, qui a eu un prix en 2013 comme étant meilleur film, meilleur clip au Festival de las Artes Audiovisuales IEL Videoclip. À tout de suite. Du 27 au 30 novembre, vivez 4 jours de magie à Québec avec les 13e sommets du cinéma d'animation. Films d'ouverture, Soif, Rocks in My Pocket et Asphalt Watches. Rétrospective Robert Morgan, maître du cinéma d'horreur animé. Hommage à deux pionniers de l'animation japonaise, Noburo Ofuji et Kenzoa Masaoka. Plus de 100 courts-métrages en compétition en provenance des 5 continents. Passeport en vente maintenant, sommetanimation.com. Du 27 au 30 novembre, les 13e sommets du cinéma d'animation à Québec, au cinéma Le Clap et au musée de la civilisation. Une présentation de Télétoon, coproduction d'Antitube et de la Cinémathèque québécoise. Après un retour réussi l'an dernier, la Ligue d'improvisation musicale de Québec bat son plein pour la saison 2014-2015. Regroupant de talentueux musiciens issus de la scène musicale de la Ville de Québec, des matchs mensuels sont présentés au Cercle. Le 1er décembre, les Bleus rencontrent les Rouges. Pour plus d'informations, la constitution des équipes, des tirages et bien plus, retrouvez-nous sur Facebook. Je voudrais vous remercier de m'avoir supporté. Grâce à vous, j'ai pu soulever la coupe et y boire de nombreuses fois. Puis là, ben, je peux me retirer en vrai gagnant. Juste ici, c'est là, chez nous. Faites un choix triomphal avec l'Opération Nez Rouge qui remet vos dons au sport et à la jeunesse. Si vous avez les facultés affaiblies, appelez un ami, un taxi ou le 1-866 Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins et de cette station. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Poulet barbecue. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Pâte au beurre. Maman, qu'est-ce qu'on mange pour souper? Toast au beurre de peanut. Maman, est-ce qu'on mange pour souper? Le visage de la pauvreté change. Près de 10% des familles québécoises vivent sous le seuil de la pauvreté. Jusqu'au 24 décembre, faites le 1-866-908-9090. Visitez la grande guignolée des médias.com ou apportez vos denrées non périssables chez Jean Coutu, Provigo Maxi, Loblaws. Donnez généreusement. Vous êtes toujours sur les ondes de CKRL 89.1 à Québec, dans Limoilou. Et c'est Michel Monnette au micro, c'est l'émission Les Oreilles Ailleurs, c'est la deuxième partie de l'émission. Je vous ai dit, si vous étiez là en toute fin de première partie, que je vous présentais un clip qui a été primé en 2013 par le Barcelona Music Clip Festival de las Artes Audiovisuales, IEL Videoclip. C'est un clip qui a été réalisé par... Tulsa, c'est un groupe qui a à sa tête Myrène, c'est une qui faisait partie d'un groupe punk de filles qui s'appelait Electro Bikini Punk Pop, avec Isabelle Fernandez Reviriego, hein, soit dit en passant, que je vous ai fait jouer en première partie d'émission. Et ils ont réalisé ce clip en 2013, et ils ont aussi fait un EP, un court album, EP, on peut dire que c'est un court album, dans lequel il y avait trois pièces, dont la pièce El Baile, et l'album s'appelle du même titre que le clip, l'album s'appelle Inyo Nota. On va écouter... El Baile de Tulsa. Mm-hmm. solo para hacerte notar. Reparo en ti temblando. Ya no diferencio más tu ataque de mi miedo. Te pones nervioso, bebes de un vaso vacío. Tu expectativa es difícil de manejar. ¿Quién te ha hecho tanto daño, nena? Yo te quiero hacer aún más. Calla que me vas a asustar. Ah, no paran de hablar y cuentan las muescas que llevo en la frente. Las heridas te sientan bien. Mis piernas se anudan tras de ti lentamente. Oh, oh, oh, oh. Bailando llegamos a donde duerme el mar. Oh, oh, oh. Voilà, c'était Elle Bailey du groupe Tulsa. Ça fait partie d'un clip d'une quinzaine de minutes, en fait, d'un petit film d'une quinzaine de minutes qui est sorti en 2013 et qui a remporté un prix. Igno Nauta, I-G-N-O-N-A-U-T-A. Je vais de toute façon mettre un lien vers ce clip sur le blog de l'émission Les Oreilles Ailleurs, lesoreillesailleurs.net, Tout comme je vais mettre l'ensemble des pièces, des artistes, des noms des artistes et des pièces que vous aurez entendues aujourd'hui. On poursuit avec Charades. Je vous avais dit tantôt que Charades a cessé d'exister en 2010, mais je vais quand même vous présenter une pièce d'eux, Harold et Maud. C'est sur l'album Revolution Solar. C'est un album qui est justement sorti en 2010. Et ensuite, on va écouter un autre groupe indiqué par Bécoré qui s'appelle Animic. La pièce s'intitule Ratio et c'est sur l'album Hannibal. C'est un album qui date de 2013. On écoute donc ces deux pièces. Hello. C'était Horatio du groupe Animique. On va terminer cette heure consacrée à la musique espagnole, mais plus particulièrement à la maison de disques indépendante Bécaré, avec un artiste qui est très emblématique, très représentatif du parcours de Bécaré, parce qu'il a commencé sa carrière musicale dans le punk metal, dans un groupe qui s'appelait Mad Squat entre 1990 et 1995. Et ensuite, il a lancé un premier album solo d'Escarilant en 1997, où là c'était du rock très très moderne, du rock très actuel en catalan, avec un côté quand même indie nord-américain, mais tout ça en catalan, ce qui est quand même assez particulier. On dit que c'est la première fois que quelqu'un produisait un album rock en catalan. En 2000, il a formé un groupe qui s'appelle The Unfinished Sympathy et qui l'a mené jusqu'en 2010. En 2008, il a quand même fait un album solo qui s'appelle Bahia Paraiso. Et il était multi-instrumentaliste. C'est un auteur, compositeur, instrumentaliste, enfin, tout ce que vous pouvez mettre, producteur, etc. Il s'appelle Eric Fuentes. Eric Fuentes, il a terminé The Unfinished Sympathy en 2011. En fait, le groupe s'est dissous en 2011. Il a sorti un troisième album solo qui s'appelle Eric Fuentes et El Mal. Les pièces que je veux vous présenter, c'est plutôt d'un album qui vient à peine de sortir. C'est un album triple. 30 pièces musicales, sorti en avril 2014. Ça s'appelle Eric Fuentes /Barcelona. Et c'est un album dans lequel il chante, il n'est pas seul. Il est accompagné de plusieurs des artistes qui font partie d'ailleurs de... Certains d'entre eux font partie d'ailleurs de la maison Bécaré. Et là, on va écouter deux pièces de cet album qui vient quand même de sortir, on peut dire presque à peine de sortir. On va écouter Despeña Perros, dans laquelle Anna Martinez chante. Et ensuite, on va écouter Eric Fuentes dans Terra Prisme. Les deux pièces sont sorties de l'album Barcelona. Et ça va être pas mal tout pour aujourd'hui. Michel Bonaparte qui suit avec l'émission Topic du Capricorne. Moi, je vous dis dès maintenant, au revoir et la semaine prochaine. On écoute d'abord Anna Martinez. Mais tout ça est dirigé et composé par Eric Fuentes. Ensuite, on écoute Eric Fuentes lui-même. Sin mirar atrás, porque ya no volverás. Cuida siempre a los demás, porque es lo único que tendrás. Búscate un nuevo lugar donde volver a empezar. No aprendiste que al dudar la vida te pasó de largo. Ah,